Salut, comme tous les dimanches soirs sur le 100 FM Radioactive, c'est Lost in Space, votre émission punk, rock, musiques expérimentales, diverses, nouvelles, variées, tout ce que vous voulez, qui attaque immédiatement avec une des nouveautés de l'année dernière chez Born Bad Records, ça s'appelle Cannibal et c'est parti. Flame in the belly of Maintenant, il n'y avait plus que le soleil rouge. Il emplissait le ciel tout entier. Paumane était si près de la surface que celle-ci ne semblait plus figée. Des nodules de lumière circulaient en tous sens. Des cyclones s'élevaient et retombaient. Des protubérances escaladaient lentement l'espace. Lentement, ils devaient jaillir à des millions de milles à l'heure pour qu'il perçût ainsi leur mouvement. Il n'essayait même pas de se faire une idée des dimensions du paysage infernal qui montait vers lui. Les immensités de Saturne et de Jupiter, elle avait bouleversé. Pourtant, ce qu'il contemplait maintenant était des centaines de fois plus vaste. Il ne pouvait qu'accepter les images qui affluaient sans tenter de les interpréter. À la vue de cette mer de feu déployée sous lui, il aurait dû éprouver de la peur. Mais, curieusement, il ne ressentait qu'une légère appréhension. Mystery, I n'était pas que son esprit fût paralysé par l'émerveillement, mais la logique lui soufflait qu'il devait se trouver sous la protection de quelque intelligence omnipotente. Il était si près du soleil rouge que le rayonnement l'eût sans doute brûlé s'il n'avait été abrité par quelque invisible écran. Et durant tout cet étrange voyage, il avait été soumis à des accélérations qui auraient normalement dû l'écraser. Time. Thank you. s'il en avait pris tant de précautions pour le protéger, il pouvait encore espérer. La capsule suivait maintenant un arc allongé, presque parallèle à la surface du Soleil. Pourtant, elle continuait de descendre lentement. Et pour la première fois, Bauman perçut des sons, un grondement étouffé mais continu, auquel se mêlaient parfois des froissements de papier ou de lointains roulements de tonnerre. C'était sans doute là l'écho affaibli d'une inimaginable cacophonie. L'atmosphère devait être déchirée par des sons capables de réduire n'importe quel matériau en nuée d'atomes. Patched or shackled down by powers and no one's there. Mais Bauman était à l'abri du bruit comme de la chaleur. Totalement isolé de cette violence, il franchissait des viaducs de flammes longs de milliers de milles qui s'élevaient et s'effondraient lentement autour de lui. Les forces déchaînées de l'étoile rouge semblaient appartenir à un autre univers, et la capsule glissait sans dommage dans la brume de feu. Toujours sur le 100FM, Lost in Space, Radioactive, on vient d'écouter à l'instant Joe Jackson et vraisemblablement l'un de ses meilleurs morceaux, Got the Time. Et c'est l'heure du live promis sur la page Facebook cet après-midi de Dream Syndicate, groupe mythique dont plus personne ne se rappelle, originaire de Los Angeles, la côte ouest américaine, qui pratique une espèce de rock intemporel marqué à la fois par les avancées bruitistes du punk, mais aussi très traditionnel, très blues aussi, par contre, même avec des touches de prog rock, parce que les morceaux sont très longs. influencé aussi par le jazz, il y a un morceau qui s'appelle John Coltrane. Enfin bref, vous allez découvrir ça, le Live at the Regis. C'est effectivement des morceaux longs, des morceaux très rock, mais voilà, vous pouvez réagir sur la page de la radio si vous en pensez du bien ou du mal. Allez, c'est parti pour le Dream Syndicate. Because there's 189 people here, you'll be able to find your voice on the record more than they'll be able to find my voice on the record. Hopefully Elliot's ready up there. I think we're ready, so let's try it. Ladies and gentlemen, the fabulous Dream Syndicate. Go.

He was an ordinary guy until lately. Paul Cutler on the beatnik, neatnik, lead guitar. In this morning, I know I don't think you knew him, but this friend that you and I had. There were a few things he believed in, and then one by one he found some flaws, and now he's not so sure. Mark Walton on bass. This guy played two sets tonight. You drinking? What's he drinking, bro? That's the question. Can I have some? Matthew with the pug nose, caught me with his sister in the wheat field. Got a couple buddies, tied me up and threw me in the Oldsmobile. I said, Matthew, are you crazy? As he started closing for the kill. Matthew slowed the O's to 10, left me here to die in Merrittville. There's a game they play in the summertime. There's a game they play when it's hot outside, and I wonder why. Sally with the narrow hips cut the ropes and said that she could clear my head. She met her path in the back and led me all the way to her daddy's shed. I said, Sally, you believe that we'd have to come so far for a thrill. Sally let me go that night, week tied and spent in Merrittville. There's a game they play in the summertime. There's a game they play when it's hot outside, and I wonder why they left me. Game they play when it's hot outside. word from outside is that she's on ledge again, drawing a crowd and threatening everything. And I'm just sitting here wondering, where in the world could I possibly fit in? Feel that. she said the word. The word. The word. The word. And I had to hear it. Hold it. Hold it back. I mean, hold it back. I mean, stop. The word from outside is she's on the ledge again, drawing a crowd and threatening everything. I'm here wondering just where I've been. On the drum. He has played that song 1,747 times. And what was his favorite time ever? Was it that time? Right now. I got a one. that likes to dance and cry. When I go down to the medicine show, we're gonna lay that burden down beneath that lonesome gypsy sky. When I go down to the medicine show, we gonna lay burden down beneath the lonesome gypsy sky. I go down to the medicine show. When I go down to the medicine show. When I go down to the medicine show. When I go down to the medicine show. When I go down to the medicine show. When I go down to the medicine show. When I go down to the medicine show. Take me down, take me down. I go down to the medicine show. didn't warn you. Two steps forward. I didn't warn you. Don't wanna be here anymore. Mm-hmm. Presumptuous, or do you want to hear another one? In that case, we'll do another one. Where's Peter? He's got to work his way up front. Peter Case here somewhere with a harmonica. If he can find his way up here, ain't gonna be there. He is. Peter Case gonna help us out here. Toujours calé sur le 100 FM, Lost in Space, le live de Dream Syndicate est fini. J'espère que ça vous a plu. On va continuer en musique et en polar, c'est-à-dire en musique avec les Snitches qui vont chanter I Need Someone. Et en polar, ce seront des extraits à nouveau du livre Millennium 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une boîte d'allumettes. Elle se sentit soudain irritée et déplaça son regard vers la femme à qui on venait juste de tendre un verre avec un drink orangé. Palm from the speakers and wheel. I'll be radio into the mouths of them. cette brune-là, Lisbeth Salander n'en avait rien à foutre. Mais elle n'arrivait tout simplement pas à comprendre pourquoi la femme restait encore ici. 4 nuits durant, depuis l'arrivée du couple, Lisbeth Salander avait écouté, lui parvenant de la chambre voisine, une voix masculine, puissante et violente, utilisant le registre de l'intimidation. Elle avait entendu des pleurs, des chuchotements durs et à plusieurs reprises le bruit de gifles. L'homme qui était à l'origine des coups, Lisbeth supposait que c'était son mari, avait dans la quarantaine. Cheveux châtains raides avec une raie au milieu, il était coiffé plutôt vieux jeu. Il semblait se trouver à la Grenade pour raisons professionnelles. Lisbeth Salander n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait être le métier du bonhomme, mais chaque matin, il avait fait son apparition correctement habillé, avec cravate et veste, pour prendre un café au bar de l'hôtel avant de s'emparer de son porte-documents et de rejoindre le taxi qui l'attendait. Bye. Il revenait en général à l'hôtel tard dans l'après-midi. Il se baignait et restait avec sa femme au bord de la piscine. Ils dînaient ensemble et n'importe quel observateur aurait pu percevoir émanant d'eux une harmonie pleine d'intimité et d'amour. La femme buvait peut-être un verre ou deux de trop, mais son ivresse n'était ni pénible ni tapageuse.